toujours pas taf. Les putains de poches pleins d'impact, j'ai le boire ou les crobats, je deviens pas, j'ai pas le temps. Pour blaguer, parler de pas de danse, pas de cans, pas tant qu'il y a pas de graille dans la pince vise. Y'a trop d'intox, donc je fuck le boycott. Kick sec comme des dogs, pèse le mauvais, c'est dope speed, dopé au West style. Une époque West Miss Bitch, Money Fox qui nous parle la route, nos textes geek. Violent explique, nos rapports négro flics, l'autorité nique, sans repé sa rhum tant qu'on y est ni. Sur toute la ligne, les faits, pas de chiminique, pas d'exil à nos blèmes. On est dans les hic, même que les frères sortent de tôle, se régénèrent comme les X-Men, envoyés par une XN. J'ai cramé trip, pas du gringue pour la FM, en FNSO. T'es paradoxal comme une onde qu'on traite de n'info. T'es paradoxal comme une onde qu'on traite de n'info. Fuck, les cops pètent les couilles de ma clique, dope, ma haine liquide, mon taux, t'sais plus, est-ce que je t'explique. Le beat crank, le mic fiston, l'équipe si chante du six au cordes, au mix et si OP. Cash manque, mais l'inspire l'encre coule quand les sous désertent les poches de mon 501. Coûte mes basses tous, vise le boule, shoot le système, shoot ces putes qui avec le bif jouent. Ici le souk, sans venir me se dissout. Les autorités nous baisent, à la rage leur pisse tous. Nick, on fera des loves et des putains de disques. On pile truc le vide comme un chargeur sur un flic goose. Oups, mes propos choquent, paraît-il, tous me disent. Cortes, mando ralenti, le punch est trop speed. J'dors plus, le rap c'est franche torpille. Mes prostules, le beat m'a soufflé des phases à proscrire. Store dur, de stem si je le conspue. Fuck, c'est contre flic avec qui y'a pas de feeling. Fuck, si y'a l'écart on est mis. Si y'a pas de boss au black, nous faut qu'on débite. L'ennemi le sait, hey, pas de détails, on bute. Mec, le temps file, d'ici là faut que les euros j'enfile. Osez pas nous pimps, osez pas m'exciter mon seum se lisant pas sur ma tête. Osez parler ma haine, justifie mes pros. Osez nous close, les portes on les pète à coup sur chausse. Le ton étonné, n'en perds pas la tête. Gros sont les punchlines, fils quand le bitch est explosé. J'pose, depuis mon talent explose. On exporte peu à l'heure où le boycott nous est imposé. J'cause. Le gage lent des rues du 6-0, j'estime qu'on mérite le gold 2 et pas le bronze filon. Vite, à nous l'élite, fuck les mythos, ces types qui font les PIMP dans des clips bidons. Fuck sa mère. Ce putain de monde est un ghetto. Endahood.com.